Donc, c'est moi qui suis l'ogre et le bouc émissaire. Dans ce chaos du siècle où votre cœur se serre, j'ai foulé le bon goût et l'ancien vers François sous mes pieds. Et, hideux, j'ai dit à l'ombre, sois, et l'ombre fut. Voilà votre réquisitoire. Langue, tragédie, art, dogme, conservatoire, toute cette clarté s'est éteinte, et je suis le responsable, et j'ai vidé l'urne des nuits. De la chute de tout, je suis la pioche inepte. C'est votre point de vue. Eh bien, soit, je l'accepte. C'est moi que votre prose en colère a choisi. Vous me criez « raca ». Moi, je vous dis « merci ». Cette marche du temps, qui ne sort d'une église que pour entrer dans l'autre et qui se civilise, ces grandes questions d'art et de liberté, voyons-les, j'y consens, par le moindre côté, et par le petit bout de la lorgnette. En somme, j'en conviens, oui, je suis cet abominable homme. Et quoi qu'en vérité, je pense avoir commis d'autres crimes encore que vous avez omis, avoir un peu touché les questions obscures, avoir sondé les mots, avoir cherché les cures, de la vieillannerie, insulté les vieux bas, secoué le passé du haut jusqu'en bas, et saccagé le fond tout autant que la forme, je me borne à ceci. Je suis ce monstre énorme. Je suis le démagogue horrible et débordé et le dévastateur du vieil abécédé. Causons. Quand je sortis du collège, du thème des vers latins, farouche, espèce d'enfant blême et grave, au front penchant, aux membres appauvris, quand tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art, l'idiome, peuple et noblesse, était l'image du royaume. La poésie était la monarchie. Un mot était un duc et pair, ou n'était qu'un grimaud. Les syllabes, pas plus que Paris et que Londres, ne se mêlaient. Ainsi, marche sans se confondre, piétons et cavaliers traversant le Pont-Neuf. La langue était l'État avant 89. Je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge vieux dictionnaire. Plus de mots sénateurs, plus de mots réturiers. Je fis une tempête au fond de l'encrier. Et je mêlai, parmi les ombres débordées, au peuple noir des mots, les seins blancs des idées. Les neuf muses, seins nus, chantaient à la carmagnole. L'emphase frissonna dans sa fraise espagnole. Aux armes, proies et vers, formez vos bataillons. Voyez où l'on en est. La strophe a des baillons. Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe. J'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. J'ai dit à vos gelats, tu n'es qu'une mâchoire. J'ai dit aux mots, soyez république, soyez la fourmilière immense et travaillez, croyez, aimez, vivez. J'ai mis tout en branle et, morose, j'ai jeté le ver noble au chien noir de la prose. Tous les mots à présent planent dans la clarté. Les écrivains ont mis la langue en liberté. Et grâce à ces bandits, grâce à ces terroristes, le vrai chasse les saints des pédagogues tristes.